My name is Bruce Wayne, and I'm the fastest man alive. Bonjour et bienvenue sur comicstories.fr et sur nosécrans.com pour le 64e numéro de Sur nos écrans, durant lequel nous allons vous faire un petit débriefing du film d'animation Batman The Killing Joke, proposé par DC et Warner cet été. Il est sorti le 2 août aux États-Unis, le 3 août en France. Film de Sam Liu, est-il à la hauteur du comics mythique The Killing Joke? C'est ce que l'on va essayer de voir ensemble dans ce numéro 64 de Sur nos écrans. Et avec moi aujourd'hui, Arnaud. Salut. Et Théo. Salut. Deux braves. Toujours. Qui, la même semaine que Suicide Squad, ont vu donc The Killing Joke. Ouais. Tant qu'à faire. Donc là, on va voir si du coup c'était double peine ou pas double peine. J'ai pas vu Suicide Squad, donc du coup, je me sens plutôt mieux, même si peut-être j'ai pas aimé, même si je n'ai pas aimé éventuellement The Killing Joke, je vais vous le dire dans un instant. Voilà, je me sens mieux parce que du coup, j'en ai vu qu'un sur les deux au pire. Ouais. J'ai pas eu, voilà. C'est pas vu le pire surtout. Ah bah non, mais non, parce que je sais choisir. Ouais. Allez, le film The Killing Joke, donc titre original Batman The Killing Joke, réalisé par Sam Liu, produit par un certain Bruce Timm, ouais, et par Sam Register, sur un scénario de Brian Azzarello, d'après évidemment The Killing Joke d'Alan Moore et Brian Bolland, avec Kevin Conroy dans la voix de Batman, Mark Hamill en tant que Joker, Ray Wise en James Gordon et Tara Strong en Batgirl Barbara Gordon. Que du All-Star. Ah ouais. Brian Azzarello, Bruce Timm, le casting vocal, etc. Voilà, enfin vraiment que du lourd. Ouais, c'était pas le problème. Pour prendre une daube. Ouais. Tout ça pour ça. Et voilà, mon avis, voilà, je vais le donner en premier pour cette fois. Voilà, je ne comprends pas. Voilà, juste, je ne comprends pas. Ça se résumera à ça, mon avis. Je comprends pas le projet. Et toi, Arnaud ? Ton avis, ah bah pareil, c'est une catastrophe. Hein. À tous les niveaux. Alors, il y a un niveau qui m'a à peu près plu, mais c'est, enfin voilà, c'est pas la catastrophe à tous les étages pour moi, mais bon, voilà. Alors que toi, Léo, tu l'as plutôt bien aimé, je crois. Non, c'est pas tant que je l'ai bien aimé, c'est surtout que, en fait, c'est vraiment l'illustration totale de ce qu'on appelle le soufflet qui redescend, quoi. C'est-à-dire un énorme truc de promesse, un casting de taré, des mecs sur le projet, enfin, je veux dire, tu peux difficilement trouver mieux. Et tout ça, pour ça, en fait. Enfin, en soi, j'ai pas détesté, je l'ai vu, j'ai pas détesté, j'ai pas adoré non plus, je sais pas, tout ça pour nous pondre quelque chose qui, en tant qu'adaptation, même en tant que film, que quelque chose de graphique, etc., n'a rien de révolutionnaire, n'a rien de puissant, n'a rien de magique, d'aussi taré que ce que a pu nous faire ressentir, notamment le comics, et puis notamment par rapport aussi à cette fameuse première demi-heure dont on va parler, hein, j'imagine. Ah, on en parlera, oui. Voilà, enfin, c'est globalement le seul truc original de ce truc-là, et il est complètement foiré, enfin, je peux pas dire que j'ai désisté, ce serait mentir, mais voilà, enfin, je suis un peu déçu, je suis circonspect, en fait. Je suis pareil que toi, je comprends pas, à un niveau un peu moins. Du coup, ce que tu as dit dans ton propos va me faire un petit peu modifier le plan que j'avais prévu pour le plan classique, hein, qu'on fait d'habitude. Juste pour effectivement s'attarder deux secondes sur quelque chose que tu as souligné et qui me paraît, voilà, vraiment très juste et peut-être qui explique aussi ma déception, les promesses. Ben ouais. Ça fait plusieurs fois maintenant. On en a parlé dans le dernier pour Suicide Squad. On a eu des promesses, notamment vis-à-vis du Joker, pour au final avoir ce que vous avez eu. Là, on a eu des promesses vis-à-vis du titre Killing Joke, vis-à-vis du retour de Bruce Timm dans l'animation, vis-à-vis d'un scénario de Brian Azzarello, le casting All-Star. On nous annonçait un film sombre, rated R, avec des scènes choc. Elles sont où? Qu'est-ce qui est choc là-dedans? Qu'est-ce qui est rated R? Qu'est-ce qui justifie une classification adulte? Rien. C'est juste des petites choses saupoudrées, à peine suggérées. Parce que si à la rigueur le trash entre guillemets ou l'horreur ou je ne sais quoi avait été au moins bien suggéré, mais même pas. Enfin, il y a rien qui justifie cette classification. Il y a rien qui va derrière les promesses qu'on nous a faites. C'est effectivement, ouais, le soufflet, quoi. Ouais, sur même le retour tu vois, de Kevin Conroy et Mark Hamill, tu vois, ça pouvait donner de la crédibilité au projet, parce qu'il me semble que Mark Hamill n'était plus la voix du Joker depuis quelques opus de Batman, tout truc confondu, notamment, même Kevin Conroy, enfin, du Joker, pardon, pour Mark Hamill, je comprends pas trop le but, quelque chose de ce projet, quoi. Si c'était pour pondre quelque chose comme ça, qui était voilà, une adaptation plate et sans relief de The Killing Joke, bah, ça valait pas le coup, quoi. Autant s'abstenir, ou alors travailler un peu plus, quoi. Et là, en plus, on a l'impression d'un film un peu hybride, coupé entre sa première demi-heure et tout ce qui passe après, comme s'ils ne savaient pas ce qu'ils allaient ajouter au film, ce qu'ils allaient apporter. Du coup, ils ont apporté une première demi-heure pour nous dire, ok, bon bah voilà, on fait un truc plus ou moins original, plus ou moins un peu changé par rapport aux comics, et on dit et on balance comme ça, quoi. La C'est un dernière fois que peu. Mark Hamill avait doublé le Joker, c'était dans les jeux vidéo de Rocksteady, Voilà. là, les Arkham Knight, Arkham City et compagnie. Voilà. Mais dans les dessins animés, ça faisait un certain temps, je crois Ça qu'il enfin, ça avait. faisait un bout de temps. Ouais, ça Voilà. faisait un sacré bout de temps. Voilà, raison de Bah, la plus pour dire série qu'il y avait de culte, la crédibilité dans le projet, quoi. ça faisait 10 ans. Et voilà, 10 ans sans Mark Hamill, crédibilité, Bruce Timm, les personnages qu'il affectionne, ça, tout ça pour ça. Ouais, du coup, alors. Allez, on va parler de l'histoire, parce que le doublage, oui, bah ils font le job, quoi. Enfin voilà, on va pas. Sauf si vous avez vraiment quelque chose à souligner sur les voix ou quelque chose, enfin pour moi ils font le job, point. Enfin, Bah, c'est des voix classiques. Kevin Conroy, c'est un bon Batman. Voilà, Mark Hamill reste toujours un Joker cool. Ray Wise, moi je l'aime beaucoup depuis Twin Peaks, et il apporte vraiment son aspect de. Il sait très bien faire un peu le chien battu, le mec un peu terrorisé, donc il le fait bien, surtout pour James Gordon là-dedans. Et puis Tara Strong en Batman, voilà quoi, normal. Enfin. Ouais, Arnaud, pareil. Ouais, ils font le boulot, mais rien d'exceptionnel à constater. Donc cette histoire de The Killing Joke qui fait 48 pages dans le comics original, donc on se doutait bien qu'elle allait avoir des ajouts pour nous proposer un film d'1h13, mais on était à milieu de se douter de la façon dont ça allait être fait, puisqu'on a un film qui est coupé en deux parties, clairement, une première partie d'à peu près 35 minutes, qui sert en fait à nous donner de l'empathie pour Batgirl, tout simplement, à nous la faire apprécier, parce que il faut qu'on s'attache à elle, on l'a encore jamais vue dans cette série de films d'animation. C'est la première fois qu'on l'a vue, c'était à la fin de Bad Blood, je crois, où elle apparaissait en caméo sur la toute fin du film, où on voyait qu'elle regardait un peu tout le monde de loin, et c'est tout. Donc il fallait un peu lui faire prendre de l'épaisseur, lui donner une histoire, etc., pour qu'on s'attache à elle. Et après, cette première partie, on a eu toute la deuxième partie, qui est la copie conforme de Killing Jokes, voilà, au niveau de l'histoire. Mais ces premières 35 minutes, enfin, elles plombent tout, elles sont c'est mauvais. Surtout, ça. C'est un calvaire. Hein. Mais qu'est-ce que ça Ça. apporte, quoi? Bah, rien du tout. Justement, le problème, peut-être, c'est qu'ils ont voulu aller trop vite en introduisant le personnage à la fin. En introduisant, c'est un grand mot, mais en nous présentant via un caméo Batgirl à la fin de Bad Blood. Et suite, ensuite, tout de suite, on découvre ce personnage-là dans le film. Justement, le problème, c'est que peut-être on ne connaît pas assez le personnage pour s'y attacher. Et cette demi-heure-là ne suffit pas. Surtout la manière dont c'est présenté. À la fin de Bad Blood, ça a l'air d'être au moins une de ses premières apparitions en tant que super-héroïne, hein, puisqu'elle participait au combat avant, donc c'est qu'il ne devait pas la connaître. Hein. Ouais. Et là, il y a eu un time jump d'un certain temps, puisqu'elle est en fonction depuis un certain temps. Et du coup, il y a un dérèglement entre les deux. On ne peut pas s'attacher à un personnage qui est déjà là depuis longtemps, aussi rapidement en plus. Et la manière dont on nous est présenté, c'est tout de suite la fin de sa relation avec Batman en tant que super-héroïne. Donc tout de suite, on veut nous présenter un personnage en nous déconstruisant ce personnage, en lui faisant arrêter son activité. Il manque un film entre les deux. Ben c'est Oui, ça, il m'a fallu un film Batgirl. ils se sont introduits dans cette espèce de faille qu'il y a entre voilà, le Batman en tant qu'établi, et voilà, cette rencontre avec le Joker, et donc Batwoman au milieu, et donc ils se sont dit, ah bah tiens, il manque un truc, et puis surtout, enfin, si on adapte le comics, on va faire au mieux 45 minutes, donc autant qu'on mette une demi-heure de plus, on fait un chouïa sur, sur Batgirl, et puis basta. Ils ont voulu faire un peu une exposition sur Batgirl, ce qui a mené à sa tétraplégie, ce qui tranche avec ce qu'il y a avant, enfin, ce qui atteint vraiment Batman, quoi. En fait, le gros problème, c'est que oui, ça pourrait faire un film, mais le problème, c'est qu'ici, l'intrigue avec le Joker, elle est complètement différente. Il y a juste vaguement le fait que le Joker vienne lui tirer une balle, mais enfin, le Joker, il vient comme ça, il tire une balle. Je sais même pas s'il se rend compte que Batgirl, c'est la fille du commissaire Si, c'est ce Gordon. qu'il fait. C'est ce qu'il fait. Ah, il sait, C'est d'accord, la pardon. même scène que dans le comics, de toute façon. On en parlera après, cette deuxième partie, à partir du Non, non, moment où mais non, ça bascule. ce que je voulais dire, voilà, c'est que les motivations, les trucs, enfin, tout ça, en fait, se rencontre et s'entrechoque, et ça fait pas vraiment une vraie transition, ça fait juste vaguement une espèce de tentative pour rattraper et faire Ah non, mais il n'y a un aucun lien pont entre les entre les... deux. Hein. Non, Voilà, non, non, c'est ça. y a cette scène, effectivement, de l'attaque du Joker qui fait la bascule brutale entre cette première demi-heure et la deuxième. C'est comme si on avait en fait deux épisodes d'une série animée qu'ils avaient collés sans trop réfléchir à comment les lier. Et voilà, c'était deux one shot de série animée avec, on peut imaginer, un cliff de fin de première partie, le Joker qui tire sur Barbara et hop, deuxième épisode, Killing Joke. Voilà, c'est plus l'impression que j'ai plutôt que d'avoir un film qui forme une unité cohérente. Et puis surtout, Oui. il y a pas de lien, quoi. On a tenté vaguement de nous faire un lien. Et surtout, au-delà de ça, avant ça, bah, c'est une tentative de nous faire faire une empathie sur Barbara, sur elle qui en a bavé par rapport à Batman, etc. Et puis quand il n'y en a plus, il y en a encore. Et Mais en on ça, tout ça, renvoie. ça aurait pu faire un film en soi. Un bon film, C'est Bad Girl, ça, oui. genre Bad Girl Year One ou je ne sais quoi. Enfin, ouais, il y a des choses à adapter sur Bad Girl qui sont plutôt sympas et qui auraient pu nous la présenter et qu'elle soit vraiment à l'honneur avant d'être un peu détruite dans le suivant. Tout ce qui les idées qu'ils amènent dans cette première demi-heure auraient pu servir à un film sur Batgirl en lui-même, comme tu dis. Plus développé, plus Et creusé, plus, enfin, plus tout. même d'un coup, ils nous balancent cette romance entre Batman et Batgirl. Ça dure 2 secondes, et tout de suite après, on passe à autre chose, on passe à Killing Non, puis qu'est-ce que c'est que cette scène, quoi? Joke. La scène La fameuse sulfureuse. scène Choc. sulfureuse de sexe explicite, c'est ça? Ah bah C'est dis de la donc. merde, on va pas se mentir, ça vaut pas un clou, hein. J'ai vu plus choquant. Oui, bon après Mais voilà, c'est pas. Enfin voilà, il y a plus choquant quand dans Gotham. on fait ce commentaire-là, on n'est pas en mode vieux pervers, on voulait voir du cul. Mais on nous a quand même, on nous a dit, voilà, vous allez avoir cette scène qui va vraiment choquer de relations sexuelles entre Batman et Batgirl. Bah ouais, enfin, elle enlève son haut, quoi, c'est tout ce qu'elle fait, elle s'assoit sur lui, elle enlève son haut. Ouais, bah c'est pas un truc qui nous choque en 2016, hein. Voilà. Non, non, ça fait longtemps que ça ne choque plus personne, surtout. Enfin, c'est trop. Enfin, Alors après, ce qui peut choquer, c'est la relation Batman-Batgirl qui devient celle-ci quand on voit la différence d'âge, etc. Enfin voilà, Batgirl, elle est à peine majeure. enfin bon, enfin, ça c'est traité pendant 5 minutes dans le film, quoi. Et puis là encore, ça n'a rien à faire. Et puis Mais c'est là, même oh pas bah mon traité, hein. Dieu. C'est même pas traité. Et voilà, Non, et là, on couche ensemble, on et te voilà. balance qu'ils baisent et c'est tout, quoi. Enfin, Et point. puis surtout, enfin, voilà, en fait, c'est là qu'intervient cette dramatisation à la con, c'est-à-dire que on te fait ça et ensuite on te balance, bah, le Joker qui vient et qui tire une balle, quoi, parce que elle voulait se rattraper de ça, elle voulait que ça se passe bien, etc. Et puis là, oh mon Dieu, drame, voilà, bah, elle se prend une balle et puis elle finit paralysée. Enfin, tout ça, c'est de la dramatisation facile et c'est super décevant de la part d'une équipe technique qui sait bien mieux faire que ça, quoi. Est-ce que vous avez vu Bruce Timm faire de la dramatisation aussi facile dans Bah Batman, la après, série il n'est pas au scénario, il est à la production, hein, donc Non, il est producteur exécutif. mais bon, voilà, il aurait pu avoir un meilleur œil que ça, quoi. Enfin, et puis même Ouais. Brian Azzarello, enfin, il est au scénario, ça, il fait de la facilité. Enfin, je suis pas un spécialiste de son œuvre ou quoi, mais je suis sûr qu'il a fait un peu mieux que ça quand même Brian en Azzarello, c'est un termes de. scénariste de génie. Enfin, voilà, Voilà. il a écrit des choses incroyables, notamment avec Libermero. Le Joker de Libermero, c'est Brian Azzarello. Enfin, voilà, Il a c'est. fait 100 fois mieux. On dirait que là encore, DC Comics a fourré. Non, pas DC. Que la production. Genre, pour une fois, Warner? ça doit pas être la Warner, mais. Bah oui, c'est Warner. Ouais, bah voilà, bah, je me disais bien aussi, hein, il n'y a pas de fumée sans feu. Mais on dirait que là encore, la Warner, même dans les films d'animation, a encore glissé son nez à dire Brian Azzarello, écoute, Coco, tu te calmes, sinon on va te faire de ta vie un enfer, et du coup, tu nous fais un film un petit peu plan-plan, sans saveur, où tu fais pleurer dans les chaumières, et basta, quoi. Bref, voilà, Oh. cette première demi-heure, elle est chiante au possible. Et pour moi, du coup, elle a complètement ruiné, elle a donné le ton sur tout le reste. Moi, derrière, ils ont jamais réussi à me récupérer une seconde parce que c'était trop tard. Je m'emmerdais déjà et la suite n'a été que la même chose. Alors oui, la deuxième partie, c'est The Killing Joke. On a presque du case par case. Le scénario est exactement le même. Les scènes, les lieux, tout est pareil. Ça, il y a vraiment, voilà. Du côté de la fidélité d'adaptation, c'est, voilà, c'est fidèle. Rien à dire. Mais il n'y a pas d'âme. Et justement, voilà, c'est trop fidèle, c'est du calqué et il n'y a aucune saveur derrière. Bah on peut pas dire c'est trop fidèle parce que quand on prend l'animé Batman Year One qui est lui aussi hyper fidèle aux comics, enfin c'est pareil de l'adaptation stricto sensu, le film Oui, mais d'animation a une âme incroyable autant que le justement, comics. Là non. c'est la mise en scène que le réalisateur, enfin c'est le réalisateur, la manière dont il a de reprendre à sa manière l'histoire, les cases, de retravailler l'image par lui-même. Là, c'est vraiment du copier-coller. Limite, ça existe de l'animation de planches de BD. C'est limite s'ils avaient fait ça, ils avaient scanné les pages et les Oh avoir non, animées. non parce que le dessin de Brian Bolland est quand même bien supérieur Ah, ça, et je ça trouve c'est manque fade, de. c'est fade. Ben c'est ça, en fait, ça manque de rythme, ça manque de saveur, ça manque de dynamisme, ça manque d'efficacité. Et alors, en effet, après cette première demi-heure, ben voilà, mais ça manque de quelque chose. Ouais, en effet, comme tu dis, Mathieu, d'une âme, tout simplement. Enfin, ça Mais ça manque de manque quelque chose d'âme. qui L'âme mette du punch de dans Killing le décor. Joke n'est pas là. Enfin, Ben, moi je me voilà, rappelle de dans. cette lecture, enfin voilà, je l'ai encore relu il n'y a pas longtemps, c'est quand même voilà, c'est hyper prenant. Certes c'est court, mais c'est super court, mais c'est un coup de poignard qu'on se prend, quoi. Là, rien, enfin on Bah en fait, s'emmerde, plus on s'emmerde. c'est ça, c'est-à-dire que c'est très complaisant en fait. C'est juste de l'écriture et voilà de scanner, comme t'as dit Arnaud, pour dire que bah voilà, bah on a fait Killing Joke, voilà, dis-le et vite, quoi, et puis on s'emmerde pas plus. Et tout ce boulot pour ça, récupérer le casting pour ça, avoir une équipe pareille pour ça, c'est quand même super décevant, même frustrant, quoi. Ça Et reste juste bon, quoi. rappelez-vous de cette dernière page de Killing Joke qui fait encore parler d'elle. On ne sait encore pas vraiment ce qui nous a été montré. Est-ce que Batman tue le Joker ou pas? Cette flaque d'eau qui se colore en sombre. Est-ce que c'est le sang du Joker? Est-ce parce que on... voilà. Là, Rien. même ça, on n'a pas cet effet-là. Voilà. Moi, je me suis pas posé la question. Enfin, il n'y a rien qui m'a suggéré quelque chose qui a servi un peu de twist ou de cliffhanger ou quoi que ce soit. Oui, il lui raconte la blague, Batman se met à rire, etc. La caméra descend, on voit la flaque d'eau, etc. La flaque d'eau devient sombre, mais bon, est-ce que c'est parce que c'est la nuit? Est-ce que c'est, on sait pas. Enfin, ouais, il y a rien qui est suggéré, même là-dedans. Pas un petit son qui pourrait nous faire imaginer que rien. Rien qui suggérait du tout dans ce film, du reste. Alors que c'est quand même très fort cette page-là où on se dit, Batman a-t-il tué? Ouais, Et c'est a-t-il fou. tué le Joker en plus? Et là, la question, on ne se la pose pas, et en fait, on n'a même pas envie de se la poser. Ben, on Bah s'en non. fout, en fait. Ça. Moi, j'ai fini le film, j'ai dit, ah ouais, il a fait la blague. Oui, la blague est la même d'ailleurs, hein. Enfin voilà. Il a juste fait sa blague. Et puis, ouais, c'est con, ça fait limite cheveux sur la soupe. Hein. Et se dire, là encore et toujours, putain, pourquoi tant de moyens, tant de trucs, tant de personnes compétentes dans ça, pour ça, pour ça. C'est pour ça, tu vois, que je dis pas que j'ai détesté le film parce que, voilà, je pense ça, mais je déteste juste la manière cinématographique qu'a Warner et DC d'adapter son patrimoine. C'est juste pas possible de prendre des trucs aussi forts, tu vois, comme The Killing Joke, qui est quand même un comics de référence, et d'en faire des trucs aussi fade, aussi plat, aussi sans relief. C'est nul. Enfin, Ouais, pourquoi? c'était. Ouais. Bon, voilà. Grosse déception, quoi. Après, on va pas. Voilà, ce qu'on va débattre bien longtemps de ça. Enfin, voilà, je sais même pas si ça vaut le coup, quoi. Enfin, c'est. Ouais. C'est Et dommage, j'ai quoi. envie de dire, encore une fois, tant pis pour nous, quoi. Oui, bon. Tant pis pour le cinéma aussi, hein, parce que bon. Oui, bah c'est sûr que le cinéma d'animation va pas être révolutionné par ça. Hein. Bah, par pas beaucoup de films d'animation d'ici, de toute façon, depuis bien longtemps. Voilà. Après, on a Bruce Timm qui va revenir, on le sait, hein, bientôt, enfin dans un peu plus d'un an et demi, sur un film Batman Harley Quinn, Ah oui. où là, il sera à la réalisation, a priori, cette fois-ci, Si la Warner dans les pattes. sur un personnage qu'il a co-créé avec Paul Dini, enfin voilà. Mais après, voilà, autant tout ça m'avait un peu hypé au moment où ça a été annoncé, autant maintenant que j'ai vu Killing Joke, je me dis, ouais, et en faisant une Bah, si la rétrospective Warner des dans les derniers films pattes, quoi. d'animation. En se reprochant un peu en arrière là, sur les derniers films d'animation, parce qu'on en a quand même eu pas mal là, sur la dernière année et demie, est-ce qu'il y en a un qui nous a vraiment plu, qui nous a marqué, à part peut-être Gods and Monsters, que j'avais bien aimé, parce que voilà, c'était quelque chose d'un peu c'est nouveau. C'était à part aussi. Oui, c'était à part, c'était nouveau, c'était un projet en plus un peu transmédia avec des comics qui étaient liés, etc. Enfin, voilà. J'avais bien aimé un peu l'ambition autour de ça qui avait été assumée, qui avait été plutôt bien réussie. Après, sur les derniers, là, il n'y a rien. Hein. Enfin, moi, je ne sais pas vous, mais moi... Non. Bad Blood n'était pas non plus exceptionnel. Ouais, le Trône d'Atlantis n'était pas terrible. Ils sont pas mal sans plus, quoi. Voilà. Batman et Robin, c'était pas... Voilà. Alors, peut-être que le renouveau de l'animation va arriver avec Justice League Action, la fameuse série animée qui va débarquer très très vite maintenant. Du côté de la Warner, qui a l'air quand même plutôt belle, etc. Niveau, enfin, on a vu quelques images. Voilà. Peut-être qu'il faut se tourner vers ça maintenant pour retrouver la flamme de l'animation d'ici. Faut espérer, parce que du coup, au cinéma, c'est pas ça. En animé, c'est pas ça. Les comics, on a la fraîcheur de Rebirth en ce moment qui fait que, bah oui, effectivement, on se laisse facilement emporter, c'est hyper agréable et ça se lit très bien. Mais est-ce que ça va durer longtemps? Bonne question. Non, il faut ranimer un truc, quoi. Il faut. Clairement, on peut pas se capitaliser, notamment dans ce qui concerne le patrimoine de Batman, sur la série animée de 92 qui continue de faire référence, sur quelques animés qui continuent, tu vois, de marcher, style Flashpoint par exemple, et se dire bon bah voilà, on fait des one shot, mais pour faire des one shot quoi. Oui, parce que du coup faire... voilà, la référence de l'animation DC, c'est quelque chose qui va avoir 25 ans l'année prochaine. 25 ans, c'est lequel du coup? Bah, c'est Animated Series. Ah oui, voilà, ah oui, d'accord, oh, oui. Oh là. Donc ça commence, ça commence quand même à dater tout ça. Et ils n'ont pas réussi depuis vraiment. Bah si, il y a eu toutes les séries voilà, qui ont suivi et qui sont laissées porter par ça. Mais voilà, la dernière vraie référence du côté de DC en animation, bah, c'est Animated Series, c'est Batman Year One. Ce fameux film, il y a un film Superman aussi qui était super bien, que j'ai oublié, j'ai oublié le titre, j'ai honte. Bon, c'est pas grave. Beyond aussi, c'était pas mal. Hein. Oui, ouais, ça allait. Il y a, ouais, surtout générique. Il y a aussi, comment s'appelle-t-elle, souvent s'appelle de Flashpoint, effectivement, t'en as parlé, Léo, qui était plutôt pas mal, mais depuis, c'est un peu... Et là, Flashpoint, il date de... 2013, ouais, il y a 3 ans. Ouais, quelque chose, parce que le comics, c'était 2011, donc oui, le temps d'adapter. Si, il y en a eu un qui était super bon, mais qui est encore pas sorti en France, c'est New Frontier. Oui, c'est vrai qu'il est pas sorti en France. Jamais vu. Alors ça, c'est quand même l'énigme, New Frontier, qui est quand même, voilà, le travail culte de Darwin Cook, enfin, le monument qu'il a pu créer en comics, qui a été après adapté. Film d'animation et le truc n'est jamais sorti en France. Alors maintenant, c'est un peu horrible ce que je vais dire, mais du coup, ce serait peut-être l'occasion pour Urban, voilà, Darwin Cook est décédé il y a quelques mois maintenant, ça serait peut-être l'occasion de nous offrir un beau bouquin New Frontier avec l'animé avec. Voilà, le monsieur quand même mérite ça. Mais non, on verra. C'est horrible. Je préfère presque les films d'animation Lego dans l'univers DC maintenant aux vrais films d'animation parce qu'au moins, voilà, ils sont un peu marrants et il y a des références. Il y a de vraies références geek et de références aux comics dans ces films-là. Ah bah, le Lego Batman Movie, il va. Ouais, ça va être quelque chose d'assez intéressant, je pense. Que beaucoup de films sont ici. Ouais. Bon, on a débordé un petit peu, mais en même temps, il n'y avait pas grand chose d'autre à dire sur Killing Joke, à part, voilà, grosse déception. Film sans âme, on se sent un peu pas trahi, mais un peu floué, dans le sens où, bah voilà, on nous a encore promis des trucs du côté de Warner, et voilà, et on les a pas. On aura le bol de la Warner, Voilà. Bon, allez. C'est pas grave, on verra si l'avenir sera meilleur. L'avenir au niveau des débriefs ciné, ça va être Doctor Strange maintenant. Ah yes, vivement. Je crois, hein. Je dis pas de bêtises. Oui, c'est le prochain. Je crois pas qu'il y ait un animé d'ici qui vienne s'intercaler entre les deux. Non, les prochains sont 2017, je crois. Voilà, donc Doctor Strange va-t-il sauver 2016 yes. C'est la grande question à laquelle on tâchera de répondre prochainement, et on espère. Allez, on va s'arrêter là, ça nous fera une émission courte, ça nous change. Belle fin d'été à tout le monde, et à bientôt. Salut.